Bienvenue, chers auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre votre journal. Odanda Ishimi à la présentation. Chancela Mugisha Wimana sur la mise en onde. À la une de l'actualité, poursuivi pour atteinte à l'intégrité nationale et rébellion, 5 Burundais, dont des défenseurs des droits humains, arrêtés en février de cette année, ont comparu ce jeudi devant le tribunal de grande instance de Narangwa en itinérance à la prison centrale de Mimba. Le ministère public a requis des peines d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans. Au Burundi, la majorité des cas de suicide se trouvent dans la tranche d'âge comprise entre 25 ans et 49 ans. Cela ressort d'une enquête réalisée par le Centre Ubuntu en collaboration avec le ministère de la Santé. Le docteur Sakou Silver, qui a présenté les résultats de cette enquête ce jeudi, a annoncé que les principales causes sont la pauvreté et l'injustice sociale. Les salaires de 432 fonctionnaires de l'État ont été suspendus du fait qu'ils recevaient de sur leur compte les salaires des personnes qui ne sont pas dans les fonctions. Le ministre de la Fonction publique appelle ces fonctionnaires à venir réclamer au ministère. Après une courte pause, les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. Les 5 Burundais, dont des défenseurs des droits humains, arrêtés le 14 février de cette année, ont comparu ce jeudi devant le tribunal de grande instance de Narangwa en itinérance à la prison centrale de Mimba. Poursuivis pour atteinte à l'intégrité nationale et rébellion, les prévenus ont plaidé non coupables. Le ministère public a requis des peines d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans. Le procès a été mis en délibéré. Maître Pascal Lunyangé, un des avocats de la défense, dit être satisfait du déroulement du procès. Suivez-le. Moi, j'apprécie positivement le déroulement du procès parce que le procès s'est déroulé en suivant les règles de procédure que nous connaissons, que nous avons. Donc, je n'ai aucune reproche à formuler contre le déroulement de ce jugement. Vous avez entendu qu'on a parlé d'une atteinte à la sûreté intérieure de l'État pour le premier groupe constitué de deux dames, sur base de l'article 611 du Code pénal de 2017, qui parle d'une atteinte à l'intégrité du territoire national. Et à l'intérieur du deuxième groupe, on a repris la même infraction, d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, sur base de l'article 611, mais aussi de rébellion prévue et punie par l'article 387 du Code pénal de 2017. Nous, quand on vient plaider, c'est pour rechercher l'acquittement de nos prévenus. Les peines requises sont très sévères, de mon point de vue, mais là aussi, ce n'est qu'une réquisition du ministère public. Il y a toujours le juge qui est souverain, et qui, comme je vous le disais tantôt, peut prononcer une peine comme il l'entend et qui doit motiver, tout comme il peut acquitter les prévenus. Donc, le juge a les mains libres pour prendre la décision qui lui convient conformément à la loi. Pour rappel, il s'agit de Maître Sonia Ndikumasabo, Maître Marie, plutôt Marie-Aimée Roussabé, Sylvane Inamaholo, Audace Ravdanimana et Prosper Lunyangé. Les quatre premiers ont été arrêtés le 14 février 2023 à l'aéroport international Melchior Ndadaye, alors qu'ils se rendaient en Ouganda dans une réunion avec l'association Avocats sans frontières. Quant au dernier, il avait été arrêté en Ngozi. Et la suppression de deux jugements rendus au mois de mai 1972 par le Conseil de guerre de l'époque a été saluée par le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue Syride en sigle. Deo Akitimana, président du Syride, déclare malgré tout que c'est un malheur d'attendre plus de 50 ans. C'est au moment où le verdict final de ces deux jugements sera rendu public ce 28 avril. Écoutez plutôt Deo Akitimana au micro de Médard Nyonguru. C'est à la fois un malheur et un soulagement. C'est un malheur parce que nous avons dû attendre plus de 50 ans pour qu'un tel dossier puisse être visité. Personnellement, mais là je n'entre pas dans la cuisine interne de la justice burundaise que je respecte beaucoup, je ne veux pas me laisser soupçonner que je m'ingère de choses qui ne me concernaient pas, mais je ne doute pas un seul instant que le procureur général de la République qui a introduit la démarche aura gain de cause. Moi j'attends impatiemment la journée de vendredi pour savoir le verdict final. Enfin, on va voir. Maintenant, c'est un malheur d'avoir attendu 51 ans. Alors qu'aujourd'hui, on puisse parler du procès du 6 mai, Il faut s'en féliciter. Il faut féliciter le procureur général d'avoir mené cette action. Bon, bien sûr, en tant qu'ancien commissaire de la CVN, moi, j'aurais souhaité que ça se passe plusieurs mois auparavant, parce que c'était possible. C'était réalisable et c'était même réaliste. Pourquoi ça n'a pas été fait à ce moment-là, etc. Bon, je vous prie de savoir que le dossier 72 est pour moi une patate chaude pour tout le monde. Mais je sais ce qu'il faut faire, je pense, c'est d'en parler. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ce journal se poursuit à la page santé. La majorité des cas de suicide au Burundi se trouvent dans la tranche d'âge comprise entre 25 ans et 49 ans. Et les principales causes sont la pauvreté et l'injustice sociale. Cela ressort d'une enquête réalisée par le Centre Ubuntu en collaboration avec le ministère de la Santé. Le docteur Sakubu Silver, qui a présenté les résultats de cette enquête ce jeudi, demande la mise en place des programmes sur la santé mentale et des problèmes psychosociaux dans les communautés. Suivez-le. C'est une réalité au Burundi. Avant, ce phénomène, c'était un phénomène qui était tabou dans l'imaginaire collectif burundais, en rapport justement avec notre culture, avec tous les stéréotypes sociaux derrière. Les gens ne se suicident pas comme ça. Il faut que, certainement, ça doit être un ensorcellement. On a vu que, justement, ce phénomène de suicide, ce n'est plus un phénomène tabou. C'est une réalité au Burundi. Et on a vu que, justement, suivant les tranches d'âge, il y a des tranches d'âge où, vraiment, c'est très, très accentué. C'est surtout à partir de 25 ans à 49 ans. C'est là où on trouve beaucoup plus de cas des gens qui se suicident facilement. On avait tablé sur 150 cas, en suivant, justement, sur l'étude de 2019 qui avait été réalisée par l'Istebou. Mais on a pu dénombrer 250 cas. Donc on est vraiment allé, on a pu avoir un chiffre d'au loin supérieur par rapport aux chiffres attendus. On a pu voir qu'il y a des facteurs qui contribuent énormément à ce que ce phénomène s'observe. C'est surtout le facteur de pauvreté, où les personnes, justement, qui viennent en premier lieu, bien sûr. D'autres facteurs qu'on a trouvés, c'est quoi? Ce sont les injustices sociales. Ce sont des facteurs qui sont très évoqués. Et les injustices sociales commencent où? À quel niveau? Bien sûr, c'est au niveau des familles, au niveau des communautés. Et les recommandations tirées de cette étude, c'est de pouvoir justement jouer sur ces facteurs-là. Vraiment d'accès des programmes sur la santé mentale et bien sûr sur la prise en charge des problèmes psychosociaux dans les communautés. Les salaires de 432 fonctionnaires de l'État ont été suspendus du fait qu'ils recevaient sur leur compte les salaires des personnes qui ne sont pas dans les fonctions. Cela a été dit ce mardi par le ministre de la Fonction publique et du Travail lors de la conférence qu'il a animée. Deo Lusengwamihigo appelle ses fonctionnaires à venir réclamer au ministère avec la carte nationale d'identité et l'attestation de service. Suivez-le. Suite aux anomalies constatées dans le paiement des salaires de certains fonctionnaires qui transitent sur un même compte, il est porté à la connaissance des concernés que le ministère, ayant la fonction publique dans ses attributions, a pris la décision de suspendre temporairement leur rémunération jusqu'à ce que le ministère soit éclairé sur leur situation administrative. L'effectif total des concernés s'élève à 432 personnes. L'objet de la présente est d'informer ses fonctionnaires et agents civils de l'État afin que celui qui sera frappé par cette mesure puisse se présenter à la Direction générale de la fonction publique muni d'une attestation de service actualisée, d'une carte nationale d'identité ainsi que de tout document récent attestant qu'il est titulaire d'un compte bancaire sur lequel transite son salaire. Par ceci, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, le communiqué est bien clair. C'est que nous suspectons, toutefois sans preuve aujourd'hui, mais nous sommes à la recherche des preuves, qu'il y a du personnel effectif qui est payé, régulièrement payé, sans travailler. Ce qui fait que ce personnel effectif ne fait que saigner le gouvernement mensuellement et annuellement, parce que ceci date de plusieurs années. J'ai pris mon courage et la décision et que les choses soient tirées au clair. qu'on analyse les choses froidement et qu'on en arrive à des conclusions claires. C'est ainsi que nous avons su, pour ce mois d'avril, arrêter les salaires des 432 pour qu'ils puissent passer à la Direction générale de la fonction publique avec leurs documents attestant qu'ils sont effectivement au travail. Cela fait déjà deux mois que le transformateur alimentant le quartier Nyarurimba et une petite partie de Nyaburumba au chef-lieu de la commune et province Makamba est en panne. Certains commerçants qui utilisent du courant électrique dans leur travail disent qu'ils travaillent à perte car la clientèle a diminué. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro, à l'exemple des femmes vendeuses du manioc à l'endroit communément appelé Kwibereshi, demandent à la régie des eaux de renormaliser la situation. Le chargé de la communication dans cette entreprise de production d'eau et d'électricité indique que ce problème est connu, mais que le transformateur commandé pour remplacer celui qui est endommagé n'est pas encore arrivé. Le point avec Élisée Kwizera. Ce transformateur, ayant déjà passé deux semaines en panne, alimente le quartier de Nyarurimba et une petite partie de Nyaburumba, au chef-lieu de la commune et province Makamba. Arrivé à l'endroit communément appelé Kwibereshi, on constate que les maisons abritant les moulets sont fermées. Les femmes y vendant des graines de maïs et des manioc secs s'étant entretenues avec la radio Isanganiro disent qu'elles travaillent à perte. Ces femmes indiquent que les produits qui s'écoulaient entre 2 et 3 jours, quand il y avait de l'électricité, s'écoulent actuellement entre 1 et 2 semaines, car les clients qui préféraient acheter leurs produits à cet endroit pour les faire moudre sur place se dirigent vers là où il y a de l'électricité. D'autres qui parlent de la perte sont les laitières qui ont besoin de refroidir le lait dans les frigos. Celles-ci disent qu'elles vendent entre 2 et 3 litres de lait par jour au moment où elles vendaient entre 10 et 15 litres. En conséquence, elles disent qu'elles ne trouvent plus les frais de location et ont peur de fermer les portes si la situation persiste. Ensemble, elles demandent à la régie des eaux de renormaliser la situation. Le chargé de la communication au niveau de la régie des eaux dit qu'on est au courant de ce problème et qu'on a déjà commandé à notre transformateur pour remplacer celui qui est endommagé mais qui n'est pas encore arrivé. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Toujours en parlant énergie, le ministère en charge de l'énergie et des mines à travers la régie des eaux a conclu un accord ce mercredi avec deux sociétés, à savoir East India Udyog et Sotem Ningbo, qui vont distribuer l'électricité dans 36 localités, y compris les communes non encore électrifiées. Ibrahim Ouidzeye, le ministre de l'Eau, de l'Énergie et des Mines, demande à ces sociétés de collaborer afin d'achever les activités dans les délais prévus. Ces activités permettront également l'électrification de plus de 25 000 ménages, selon toujours le ministre Ouidzeye. Suivez-le. Ces contrats concernent l'électrification de 36 localités non encore électrifiées à travers tout le pays et le renforcement des postes de transformation MTBT surchargés. Dans le cadre du projet du gouvernement du Burundi accès à l'énergie phase 1, il s'agit de la principale activité dans la réalisation de ce projet, dont l'un des principaux piliers de la transformation structurelle de l'économie se trouve être le développement énergétique. En effet, pour accroître le taux d'accès de la population à l'énergie électrique, le gouvernement du Burundi, à travers la régie des eaux, a commandé l'étude de faisabilité de ce projet. La conclusion à laquelle l'étude est aboutie était telle que la mise en route du projet présentait suffisamment d'intérêts techniques, économiques et financiers pour être lancé. Nous exigeons au bureau de surveillance de la rigueur et de la pertinence dans ces conseils. Les contrats signés accordent des délais respectivement 18 mois et de 15 mois selon les entrepreneurs. Pour l'exécution de l'ensemble des travaux, nous demandons le respect de ce délai et qu'au terme de cette période, nous soyons conviés à l'inauguration de cet ouvrage ou de ces ouvrages si attendus. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Odan Daichimie. Chancela Mugishawimana a assuré la mise en onde. Bonne suite des programmes avec la radio Isanganiro.